أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Je vais on va réfléchir sur un truc. Tu vois? Le terme forum. Un forum, c'est quoi? C'est quoi un forum? Déjà l'origine. Allah Akbar. Abi Lahab, il est pas content, tu l'entends là-bas? Allah Akbar. Un forum, il est pas content. Un forum, c'est quoi? Le forum, à la base, c'est le cirque. C'est le cirque tel qu'il existait au temps des Romains. Tu vois, au temps des Romains, tu avais des. Les esclaves, les fameux gladiateurs qui étaient amenés bon, on connaît l'histoire maintenant, on sait c'est quoi à peu près dans le détail, mais bon, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que le forum, c'est un concept purement polythéiste. C'est une stratégie qui est quoi? Qui est que tu as dans l'arène des gens qui se battent, qui se déchirent, qui se disputent, enfin qui se disputent, là, bon, je parle pas de dispute verbale, je parle d'un combat réel. Tu as tout autour une foule d'individus qui observent. Ces individus d'ailleurs ont une caractéristique dans l'histoire, romaine, ils ont une caractéristique bien précise, c'est que à la base, ce sont vraiment des affamés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui crèvent la dalle, ils sont en situation de faillite sociale complète, et pour leur faire oublier leur misère sociale, leur misère physique, leur misère leur misère tout simplement, eh bien on les convie à aller dans ce lieu, le forum, le cirque, où ils vont recevoir, selon la bonne vieille tradition polythéiste romaine, où ils vont recevoir, avant que ne commencent les jeux du cirque, avant que ne commencent les jeux du cirque, on va leur lancer des morceaux de pain. Et c'est ainsi que cette tradition s'appelait, antiquement, s'appelait du pain et des jeux. Panem et circansem, du pain et des jeux, c'est-à-dire du pain et de la distraction. Suis-moi jusqu'au bout, Inch'Allah ta'ala, parce que je pense que tu vas pas être déçu du voyage. Donc voici tout ce peuple-là qui attend avant toute chose, de recevoir son morceau de pain. Parce que, bon, c'est comme ça, c'est Allahu Akbar, c'est la logique humaine, hein. Quand tu crèves la dalle, tu penses déjà à manger avant d'aller t'amuser, bien sûr. Et puis éventuellement, quand ton ventre est bien rempli, là, tu peux commencer à apprécier véritablement le sang de l'autre en train de couler sous tes yeux, applaudir ou ne pas applaudir, et puis attendre le tranchement fatidique de ce doigt qui sera, de ce pouce, qui sera levé ou descendu, selon l'autorité d'une personne qui s'était jadis donnée le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala à décider de vie et de mort pour l'autre, ou son droit à Allah subhanahu wa ta'ala seul, lui disputer son droit à humilier et à rabaisser. Car oui, il existe aujourd'hui des individus, des personnes qui, à l'ombre, encore une fois, de l'orgueil d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'ombre de sa vérité, ont disputé le droit à Allah Azza wa Jal de rabaisser telle ou telle créature. Et puis ils se sont aussi d'ailleurs donné le droit de rehausser certaines créatures. Donc bon, certaines créatures ou certains serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu as bien compris la racine historique du mot forum, maintenant, à présent que tu as bien cerné la chose, que j'ai essayé de rapporter d'une façon le plus simple possible, avec des connaissances d'histoire qui ne sont que celles d'un petit personnage qui n'a même pas eu son bac économique et social. Hein. Bon. Je dis ça pour qu'on s'imagine pas que je suis un historien confirmé, diplômé de je ne sais où. Alors, ceci maintenant pour en venir à cette chose qu'on appelle le forum sur Internet. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que celui qui va écouter ceci va bien tenir jusqu'au bout, Inch'Allah Ta'ala. Parce que ça fait aussi partie du bon comportement que quand ton frère te parle, tu le laisses parler et tu l'écoutes. Tu écoutes ce qu'il a à dire. Ceci n'est pas un ordre de moi qui correspond à une passion, ou à la crainte d'être aimé ou de ne pas être aimé, ou la peur que mes propos soient modifiés ou changés ou altérés. Enfin, ça, c'est entre les mains du menteur et de l'hypocrite. Alhamdoulilah. Non, ce que je te transmets, c'est l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ton frère, et pour peu que tu me considères comme ton frère, tu dois l'écouter jusqu'au bout. Donc, Inch'Allah Ta'ala, tu es bien invité à écouter jusqu'au bout. Le forum Internet. Donc, quel est son concept? Quel est le principe? Tu as une foule d'individus qui sont dans une situation... Bon, je parle... On va parler en essayant de rester positif. On va parler de la Oumma de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sans poser sur elle l'insulte. Donc, on considère ce peuple de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rentré dans ce cirque, qui est un cirque mis en place par les kuffars et par les mushrikins. Et on a ce peuple de Muhammad tiraillé entre l'ignorance, la détresse spirituelle. La détresse spirituelle, l'humiliation spirituelle, morale, la désagrégation de sa aqida. Et voici qu'il se trouve un forum à l'intérieur duquel cette umma a trouvé le pain tant attendu. Tu te rappelles ce morceau de pain qu'on envoie aux gens? Bien. Cette Oumma, dans l'état de détresse où elle se trouve, chacun a des degrés plus ou moins forts, et bien voici qu'elle a trouvé un endroit où elle va pouvoir trouver le morceau de pain qui va lui permettre de combler son manque intérieur. Alors si c'est un manque si c'est un manque spirituel, elle va trouver tel texte. Si c'est une frustration d'ordre idéologique parce qu'elle ne peut pas s'exprimer, elle va trouver un autre morceau de pain, etc., etc., etc. Une fois qu'elle est bien rassasiée, une fois qu'elle a bien mangé, une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait voir, car ça, ce sont les potes d'Abilah maintenant qui arrivent. Allahu Akbar. Donc une fois qu'elle a bien eu ce qu'elle voulait, une fois qu'elle est bien repue, alors le spectacle commence. Et tu as quelques individus qui ne sont que des esclaves, non pas des esclaves du César technique, hein, que sont des esclaves du tout miséricordieux. Certains se distinguent les uns des autres, ils apportent des arguments. Certains ont une certaine arme, d'autres ont d'autres attirails, et voici cette foule autour qui encourage, qui applaudit, qui est tantôt satisfaite, qui tantôt recrache, qui tantôt pleure, tantôt vocifère. Et voici ce César technique qui va trancher à la fin, c'est-à-dire trancher... laisser son pouce en haut ou en bas. Tiens, d'ailleurs, ce logo là du pouce vers le haut ou du pouce vers le bas, tu le retrouves parmi les petits les petits logos qui te permettent de manifester ton approbation ou ta désapprobation. C'est très très comique. Oui, alors voici venu le temps où tu vas exprimer ton approbation ou ta désapprobation en fonction d'un petit logo. Alors t'écris une phrase. Et puis tu choisis un petit logo qui est censé représenter ta personne. Alors, tu as la grenade qui explose. Hein, ça, c'est la détresse combative, c'est-à-dire c'est ce petit logo qui permet aux frustrés de base d'exprimer sa véritable colère et sa pseudo-détermination à agir dans le sentier d'Allah. Tu as donc le pouce vers le bas, le pouce vers le haut, on l'a vu. Tu as le logo Kuffar Source, que tu coches pour préciser à ceux qui regardent que c'est pas une source officielle. Hein. C'est-à-dire que tu manifestes aussi que tu souhaites vraiment que ceux qui lisent, que ceux qui seront amenés à observer soient vraiment préservés, soient vraiment immaculés de la conception polythéiste et des regards du kufr sur la situation des musulmans dans le monde, etc., etc. Bon, en tout cas, ceci pour dire. Et là, on va revenir à un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on n'entend pas très souvent d'ailleurs, je me demande bien pourquoi. Mais en fait, plus je me demande pourquoi, plus je comprends pourquoi. Akbar. Plus je me demande pourquoi, plus je me demande pourquoi en fait. Pourquoi on ne parle pas de ce hadith? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah a maudit celui qui s'installe au milieu des gens et qui parle. Je suis un faible rapporteur, j'ai pas la chaîne de transmission, tu dis ce que tu veux. Si tu tapes sur Google, puisque c'est la grande, c'est le procédé hein, aujourd'hui, hein. Pour la science c'est Google. C'est pas autre chose. Ce sont des gens, voici des gens qui sélectionnent les versets de Coran en tapant sur Google, en fonction d'un souvenir vague qu'il leur reste à l'esprit, des sens rapprochés. Donc tu vas sur Google, tu fouilles le verset qui correspond à ta passion. Tu sélectionnes, tu ponds, et tu colles ceci à ta desiderata. C'est comme ça, c'est tout, faut pas aller chercher ailleurs. Celui qui veut vraiment la science, déjà, il se plante pas sur Internet pendant toute une nuit. Et ces fameuses méthodes qui t'auraient permis d'apprendre le Coran, si tu les avais prises sérieusement en charge, après, et bah, à l'heure qu'il est, au lieu d'écouter un ignorant qui s'est vraiment bien planté, eh ben, alors qu'il est, tu serais déjà peut-être connaisseur du Coran. Mais c'est Allah qui facilite pour qui il veut, quand il veut, en temps et en heure. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, voici cette personne qui se met au milieu de la foule, et puis qui parle. Et puis qui parle. Regarde. Voici cette personne qui est au beau milieu du forum ou du cirque, hein, du cirque, je ne vais même pas dire forum, je veux dire cirque. Il est au milieu du cirque, les portes sont blindées de partout, il a cette foule autour de lui, il a ces quelques autorités qui le regardent et pour qui? Parce qu'il a placé sa crainte en dehors d'Allah, il l'a placé envers deux ou trois personnes, qui ne sait même pas c'est qui. Des personnes qui apparaissent comme ça, sous le bénéfice, sous la couverture d'un très joli avatar que personne ne lui a disputé. Attention, attention, hein. Son avatar, c'est son avatar, il faut pas lui prendre. C'est le sien. Et puis ailleurs, s'il choisit une couleur pour écrire, il faut pas lui prendre sa couleur pour écrire. Parce que c'est lui qui a droit à cette couleur pour écrire. Bon, je parle ça pour d'autres... Je parle ça pour d'autres, peut-être d'autres endroits, mais bon. Alors la parole qui gêne ou le site qui dérange, bon. Une petite série d'étoiles rouges mise en garde, attention. Ouh, le cœur palpite. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Oh là là, quelle horreur. Quelle déconsidération. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Donc voici cette personne au beau milieu du cirque qui s'exprime, qui dit les choses, qui dit regardez ce César technique, regardez ce peuple au milieu duquel on est, regardez ceci, regardez cela. Quelle est son issue dans le hadith, dites-moi. Quelle est son issue? Illa man rahim Allah. Sauf celui à qui Allah aura fait ou fera miséricorde. Et on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde aux sincères, aux véridiques et à ceux qui sont restés fidèles à leurs convictions, aux convictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tamponnées dans leur poitrine, hatta al-maut, bi fadlihi wa bi kalimati. Ensuite, si celui qui écoute ce qu'il est en train d'écouter a bien compris cette scène, cette situation, qu'il sache bien, qu'il prenne bien en considération la chose suivante. Les gens du djihad, fi sabilillah, les combattants dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, fi sabilillah, ils sont pas dans le forum, ils sont pas dans le cirque. Ils sont à l'extérieur et ils t'appellent. À l'extérieur et ils te disent sors vite. Sors vite. Sors vite. Rejoins-nous. Pour le moment, t'es dans la foule, c'est ça? Pour le moment, t'es dans la foule. Tu fais juste partie des affamés, tu fais juste partie de ceux qui cherchent, tu fais juste partie de ceux qui sont en train de se faire berner. Voilà, qui sont en train de se faire berner. Tu ne fais pas partie des gens qui sont en bas, sur le sable, hein, avec le sang des mots, hein, des mots, hein. Oui, parce qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'autre sang qu'à travers les mots, hein. Oui, c'est un sang spirituel qui coule de nos bouches. Nous, les véridiques de France, c'est un sang spirituel qui coule de nos bouches. C'est beau comme phrase, non? Hein? Allahu Akbar. Donc si tu fais partie de cette foule-là, si tu fais partie de ces gens-là, voilà, le conseil de ton frère pour Allah, si tu fais partie de cette foule-là, bah, va venir un moment où le spectacle va terminer, hein, les rideaux vont se baisser, les masques vont être enlevés, chacun va être reconnu pour ce qu'il est véritablement. Ou peut-être celui qui a exposé la chose ouvertement va être pris en inimitié ou en tout cas recevoir les épreuves, alhamdoulilah. Les épreuves qui correspondent à ce qu'il a pu comprendre, alhamdoulilah. Mais dans tous les cas de figure, bon, le rideau va descendre, le spectacle va s'achever et puis les portes du forum vont s'ouvrir. Tu vas pouvoir rentrer chez toi avec le ventre bien, bien rempli. Hein? Et puis, reviendra à nouveau le temps du spectacle, de la famine, de la misère. Alors, il y a deux possibilités. Soit tu as l'intelligence de rester à l'extérieur. Comprends bien ce que je te dis. Hein? Soit tu as l'intelligence de rester à l'extérieur et de t'éloigner le plus loin possible de ce spectacle bon marché. De ce spectacle bon marché. Et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite les choses. Et je demande, et nous demandons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite les choses dans ce sens. Et il se peut que tu te rappelles ce bon goût de pain chaud qu'on te proposait sous diverses formes. Parce que hier tu pleurais pour Afia Siddiqui, Hafidah Allah. Hier tu pleurais pour Sheikh Anwar Al-Awlaki, Rahimahullah. Hier tu pleurais pour Sheikh Omar Abdurrahman, Hafidah Allah, Fakallahu Asrah. Et puis hier encore, tu pleurais pour le Cheikh Oussama Ben Laden, Rahimahullah. Et hier, tu applaudissais et tu cochais le pouce vers le haut pour notre petit frère Mohamed Merah, rahimahullah. Et par Allah subhanahu wa ta'ala, le sang, oui, Allahu Akbar, le sang s'est écoulé, tout à fait, Allahu Akbar. Le sang s'est écoulé et le temps s'est écoulé. Et tu es revenu voir le spectacle, et tu es revenu voir le spectacle, et tu es revenu applaudir, et tu es revenu chercher du pain. Du pain. Du pain et encore du pain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a mis en garde. Il a dit, parmi les signes de la fin des temps, il y aura des gens complètement ignorants qui parleront au nom de la Ummah. Sahih ou la? Est-ce que c'est authentique ou c'est pas authentique? Est-ce qu'il faut que je vérifie la chaîne de transmission? Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair? C'est plus limpide que l'autre source. Alors comprenne. Comprenne. Qui pourra comprendre? Ah oui, j'oubliais. Mais nous inviterais-tu à aller chercher la science auprès des savants du Tarout, des savants menteurs, des savants falsificateurs? Non. Non, alhamdoulillah, tu sais que tu as des savants véridiques. Tu veux un vrai enseignement? Le vrai enseignement, il se transmet oralement. Oralement. T'es avec le cheikh en question, t'es avec lui, il te transmet à l'oral, tu apprends avec lui. On n'est pas dans le copier-coller. Donc puisque toi tu es défenseur de la voix authentique et du minhaj sahih, hein, du minhaj authentique, ben va trouver les vrais savants. Mais attention, hein, te plante pas de chemin, hein, te plante pas de destination. Donc cet argument qui consiste à dire d'abord j'acquiers la science, d'abord j'acquiers ceci, d'abord j'acquiers cela, bah si tu vas jusqu'au bout de la logique, bah encore une fois, t'as rien à faire ici. T'as rien à faire ici, t'as aucune thèse à déployer, à développer, tu défendras personne ici, tu défendras rien du tout. Sauf peut-être une chose. Tes prétentions, ton orgueil, ton rêve d'être utile à quelque chose, d'être utile à toi-même, plus que d'être utile à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors j'entends déjà la troupe d'Abi Lahab. C'est bien, alhamdoulillah, pour celui qui a tenu jusqu'au bout, alhamdoulillah. J'entends déjà la troupe d'Abi Lahab, oh là là, mais... Oh, Ad Dominicani, c'est devenu un salafi, un pseudo-talafi. Tu sais, je vais te dire une chose concernant ce groupe-là. Là, je vais te dire une chose. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, les hypocrites, c'est un seul bloc. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit que les hypocrites, ils étaient dans tel groupe ou dans tel autre. Alors moi, à présent, je vais te dire un autre groupe... Je vais te donner un autre groupe dont tu n'as jamais entendu parler. Il existe. Wallah, il existe. Et il cogne très dur. Et c'est un beau groupe d'hypocrites. Excellent hypocrite. Subhanallah, d'une qualité pure premium. Pure premium. Tu sais c'est quoi? C'est les pseudo-jihadis salafis. Ah. Tu n'attendais pas à celle-là. Oui, les pseudo-jihadis salafis. Pseudo-jihadis salafis. Et comprennent encore une fois qui pourra comprendre. Walillahil hamd, Allah subhanahu wa ta'ala t'a appelé musulman. Je te conseille, akhi fillah, de revendiquer ce terme, ni plus ni moins. C'est celui que le messager Ibrahim alayhi salatu wassalam nous a donné et qu'Allah azza wa jalla a accepté, agréé et donné pour nous. Tous. Alors si tu aimes l'islam, si tu aimes les musulmans et que tu as le désir profond d'une réunification de ta communauté autour de la vérité, de notre communauté autour de la vérité, considère tes frères comme des musulmans à part entière et cesse de leur mettre des étiquettes parce que tu sais rien de leur intérieur, strictement rien. Et Allah seul, subhanahu wa ta'ala, est détenteur de cette connaissance-là. Et toi tu ne sais rien. Et moi non plus. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك